s'aimer. La seule portion de soi. Dis-moi comment aimer une autre matière que soi. La matière se vexe, la matière s'éteint, et elle prend de la place, et elle se croit invulnérable. Pas de sourde, et dès qu'elle n'en peut plus, une autre prend sa place, et l'armure n'en peut plus. Le bénéf, le profit, moi je n'en peux plus, de voir ces âmes sans vie. Être proche de l'errance, et des éclats de vagues, comme des éclats de boue, et des questions sans fin. Questions sans fin qui ne finissent jamais. Comment se demander l'inimaginable? Comment se demander l'inimaginable? Et il y a de la place. On ne sait faire que ça. On est bien les premiers. L'humain s'écrit si bien. Il en est vu si bête. Les autres villes savent. Elle le dit, la nature le sait bien. Mais aucun n'y peut rien. Construit pour détruire, pour se faire du mal, on ne sait que grandir, s'agrandir et saigner, plus petit niveau, on se tue dans la masse, et plus les gens sont riches, et plus les autres pleurent. Plus ils ont d'argent, plus ils oublient le temps. Dans la vraie vie, dans les premiers mots. Vert.